Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai, je bénirai ton nom à tout jamais. Je bénirai ton nom à tout jamais. Tous les jours, je t'exalterai et je louerai ton nom à tout jamais, car tu es grand. Car ta grandeur, Seigneur, est insondable, oui, insondable est ta grandeur. Car ta grandeur, Seigneur, est insondable, oui, insondable, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai. Je bénirai ton nom à tout jamais. Je bénirai ton nom à tout jamais. Bienveillant, miséricordieux, tu es lent à la colère et d'une grande fidélité. Tu es bon pour tout, plein de tendresse pour tout. Tes œuvres, pour toutes tes œuvres, plein de tendresse, pour toutes tes œuvres, plein de tendresse, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je t'exalterai. Je bénirai ton nom à tout jamais. Je bénirai ton nom à tout jamais.